Chapitre 3e. Avant de sortir, Guillaumard avait jeté au garçon un billet de 500 francs en disant « Vous rapporterez demain la monnaie à mon bureau, vous savez bien. Allez me chercher mon chapeau. » Et il montrait le cabinet d'où il sortait. Quoiqu'il fît froid, sous un vent de neige, il voulut rentrer à pied. Il étouffait. En route, il criaillait encore contre Rodion, qui l'appelait le forçat. Et quand Louis voulut faire entendre qu'il s'était emporté trop vite, qu'il avait été trop loin, il envoya brusquement le cousin au diable. « J'en viens, » dit le peintre, en riant. « Non, vois-tu, mon ami, ne fais pas une sottise. Des gars comme Rodion, c'est dangereux. « Tu verras ça, » fit Guillaumard. Molina montrait son pouce. « On les fera tourner, lui et les Nathan, là-dessus. Tiens, comme des toupies. »« Bon, » répondit Louis. Il avait pour principe de ne discuter ni avec les entêtés ni avec les fous et de ne pas s'arrêter à caresser un chien qui avait l'air enragé. Il quitta Guillaumard et Molina, prit une voiture et rentra rue de Boulogne, en songeant que Célestin Rodion était un rude homme d'affaires et Alice Servier une adorable créature. « Joli portrait à faire, » pensait-il en se moquant d'Edmond Lacoste. Le lendemain, Guillaumard vint chez lui très calme. Il riait beaucoup en reparlant de la scène de la veille. « Rodion essuiera ça, ce n'est rien, » disait-il, « et s'il m'en garde une dent, on la lui cassera. Maintenant, je viens te demander si tu es de l'affaire. » « Moi, toi. » Louis essaya de plaisanter. Lui, peintre moderniste, subventionner des banques internationales, faire partie des syndicats, comme disait Molina. Guillaumard n'y pensait pas. La vérité est que Louis Ribert ne croyait pas à l'affaire. Il croyait au noir coup d'œil de Rodion et à l'âpreté froide d'Alice Servier. Les malins sont là. « Je ne fais pas de spéculation, moi, » dit-il à Guillaumard. « Pourquoi ne t'adresses-tu pas à Victor? Il a eu autant d'argent que moi, du vieux Ducret. Et de plus, il est négociant, mal trouvé. »« J'y vais, » dit Guillaumard, vexé. « Mais alors, tu n'as pas plus confiance en moi que ce chafouin de Rodion ?»« Je te jure pourtant que je ne suis pas vendu aux Nathan, » fit Louis. « Les Nathan ont d'ailleurs bon goût s'ils ont acheté Mademoiselle Hervie avec Célestin. Elle est jolie, celle-là. Ah, jolie, jolie. Un Gainsborough. » Guillaumard était déjà loin. Il n'avait pas besoin d'argent, mais il avait besoin de nom pour lancer l'affaire, et autant valait que les cousins en profitassent que des étrangers. Tout compte fait, les Ribert avaient dû toucher avec le produit de la vente des curiosités, des objets d'art, des immeubles divers du vieux Ducret, 3,5 millions à coup sûr. Guillaumard établissait le total à vue de nez, comme il disait. Il est évident qu'avec cette base d'opération, on pouvait devenir riche, car pour Guillaumard, on n'était pas riche avec 3 millions. Et voilà déjà que ce trembleur de Louis s'y refusait. Je parie que Victor me répondra la même chose. Pas d'estomac, les cousins, des timides. Louis avait pourtant dit la vérité vraie. Victor Ribert n'aspirait qu'à une chose, faire des affaires et gagner de l'argent, en gagner beaucoup, en gagner vite. Pourquoi? Il en avait. Jamais il n'eût osé espérer qu'il en aurait autant. Il en avait trop, se disait-il, pensif, courbé, très pâle. Depuis leur tour à Paris, dans cet appartement de la rue de Châteaudun, le même que l'an passé, mais tout luxueusement empli des trouvailles de Geneviève, meubles nouveaux, bibelots d'étagères, tout le pimpant exotico-archéologique du mobilier moderne, Ribert semblait avoir retrouvé, cramponné aux angles de ses murailles, les noires préoccupations d'autrefois. Il était morne, soucieux, visiblement là et comme anémié de fatigue, d'une fatigue morale. Geneviève n'y comprenait rien. Il n'avait pourtant plus les angoisses des temps difficiles. Il pouvait vivre à sa fantaisie, lisant, pensant, maître de sa destinée. Eh bien non, et sa femme s'en inquiétait presque. Il le prenait comme des fièvres de lucre nouveau. Il avait l'âpre appétit de ses affaires, les grandes affaires qu'il redoutait autrefois. Un soir qu'Olivier Giraud était venu les voir, Geneviève avait entendu Ribert lui demander des renseignements sur cette fameuse Société Générale d'Alimentation dont on commençait à parler. « Eh bien, avait répondu Olivier, c'est une affaire comme une autre, plus grosse qu'une autre. J'avais presque envie de me mettre là-dedans, moi. Vous, pourquoi ?» Victor avait essayé de sourire. « Mais pour gagner très vite beaucoup de millions, comme Guillaumard ?» et Geneviève, vaguement inquiète, s'était sentie soulagée lorsque le jeune homme avait répondu, souriant à son tour, d'un air contraint. « Oh, il est bien tard, monsieur Ribert. On a déjà gagné tant de millions qu'il n'en reste plus. » Ce que Geneviève redoutait surtout, c'était précisément de la part de Ribert la tentation de suivre l'exemple de Guillemard. Elle n'avait qu'une pensée, jouir de cette fortune qui lui était venue et ne point la compromettre. Les songeries de Victor lui faisaient peur maintenant. Elle sut gré à Olivier d'avoir parlé ainsi. Elle devinait que jamais le conseil de rien risquer ne viendrait du côté de leur ancien commis. Quelle bizarrerie! Elle redoutait plutôt Louis, qui maintenant se lançait dans le mouvement comme un grand fou. Olivier, qu'elle regardait d'un air assez indifférent autrefois, lui semblait la raison même. Femme, elle avait deviné à peu près ce qui se passait dans le cœur du jeune homme, et elle avait, très gentiment, en se rainer, fait d'un ton spécial son éloge à André. « Pourquoi me parles-tu de monsieur Olivier ?» demanda alors la jeune fille, un peu pâle. « Mais parce que, ma foi, tu sais, à mon avis, monsieur Giraud est un mari très possible. Il est gentil garçon, ton père l'adore, et toi ?»« Moi ?» fit André. « Ne me parle plus de monsieur Olivier. »« Tu ne l'aimais donc pas ?» s'écria Geneviève. « Je croyais que tu l'aimais. »« Ne me parle pas de cette idée de mariage, » dit encore André. « Je t'en prie, promets-le-moi. » Geneviève était confondue. Le caractère de Ribert et celui de sa fille lui paraissaient inexplicables. Ces deux êtres, à la fois en même temps, depuis cette fortune, s'assombrissaient comme si le malheur eût toujours été là. André, parfois, avait l'air aussi souffrant que Ribert. Il semblait bien à Geneviève que la jeune fille ne livrait pas toute sa pensée. Elle n'avait pas dit d'ailleurs qu'elle n'aimait point Olivier. Mais Victor la préoccupait plus qu'André. Le croyant malade, elle avait fait venir le docteur Leroux. Il avait interrogé, ausculté Ribert. Ce n'était rien. Une lassitude, peut-être. Mais disait-il toute la vérité, le médecin? Si Geneviève s'étonnait un peu, André s'inquiétait beaucoup. Évidemment, son père changeait. Elle le surprenait quelquefois penché sur des papiers, comme jadis, et comme jadis aussi, additionnant des chiffres, cherchant des plans. Les sommes seulement étaient plus grosses, voilà tout. Elle avait bien compris sa pensée. Autrefois, du temps qu'il aimait à lui tout confier, elle l'aurait su, par lui-même, cette pensée unique, féroce. Aujourd'hui, pouvait-il dire à la pauvre enfant que le cancer qu'il rongeait, c'était l'héritage volé, ce papier annulé, gardé par lui, déchiré sans doute? S'il conservait l'argent de Ducret, de Guillemard plutôt, c'était pour Geneviève, pour André aussi. Mais par un travail nouveau, par quelque conception, quelque trouvaille, quelque affaire, il voulait parvenir à remplacer cette richesse par une autre afin de conserver au sien la vie nouvelle, cette vie heureuse qui ramenait le sourire aux lèvres fraîches de Geneviève. Puis, une fortune gagnée, on restituerait l'autre. Et alors, les chimériques poursuites de combinaisons impossibles recommençaient. Que de nuits passées à bâtir des rêves. Depuis cette journée de Ville d'Avray, si gaie autour de lui, depuis cette heure où, devant l'ironique volonté du mort, il s'était révolté, cabré, sachant bien où était le devoir, mais se condamnant à se taire, depuis ce moment des douleurs sourdes, rongeantes comme celles des eaux malades, le tenaillaient silencieusement. Supplice subit tout bas, entre sa conscience à l'agonie et son visage qui disait à ses femmes « Soyez donc heureuses ». Combien André avait compté de cheveux blancs sur le front plus chauve chaque jour de son père. Elle le regardait avec ses beaux yeux dévoués et bons, devinant bien que s'il eût pu parler, crier dans les bras de sa fille, pleurer, le malheureux, torturé tout bas, eût été soulagé. Parler lui et à André. Mais le jugement qu'il craignait le plus après le sien, c'était celui de cet enfant, droite comme lui, comme il l'était autrefois, et honnête comme sa mère. Souvent André le trouvait endormi, accablé dans son fauteuil après une nuit d'insomnie. Elle l'embrassait doucement. « Dors, repose-toi, cher martyr. » Puis elle tremblait en le regardant si maigre, jauni, avec une transparence de figure de cire. Si cette lutte secrète avec lui-même allait le tuer à la fin. Et elle avait envie de l'éveiller en l'embrassant et de le supplier à genoux. « Dis-moi donc tout, comme autrefois, mon père. Ne garde pas ton supplice pour toi seul, partageons. J'ai du courage comme toi, j'ai de la force plus que toi. Faisons notre devoir, rejette-la, cette fortune. Je suis jeune, j'ai l'avenir, j'ai... » Elle s'arrêtait, se disant avec une volupté profonde et chaste, « J'ai Olivier. » Et elle s'arrêtait. « J'aurais, Olivier, si je n'étais pas riche, et riche d'une fortune qui ne m'appartient pas. » Elle n'eût pas redouté de foudroyer le malheureux, qu'elle eût crié à Ribert. « Je sais tout, rendons cela, et vivons pauvres. Nous serions si heureux, va. » Plus heureux 100 fois que dans cette souffrance à peine entrevue par Geneviève, mais épiée tristement par André. Victor ne pouvait plus voir Guillemard sans un trouble. Devant lui, il devenait mal à l'aise. Le rire du gros Émile lui sautait au visage comme un reproche. Insolent de chance heureuse, Guillemard avait beau répéter que son dernier inventaire faisait de lui un Rothschild. Ribert se disait qu'il détenait pourtant, qu'il avait volé, oui, volé, une partie de la fortune de cet homme. Ah, pourvu que Guillemard n'eût pas besoin de lui. Et c'est ainsi que Ribert capitulait avec lui-même. « Si je pouvais, avec les millions que j'ai, en gagner le double, alors je rendrais tout de suite à Guillemard ce qui est à lui, à sa fille. Je me délivrerais de ce poids que j'ai là, sur la poitrine. Je partagerais ce que j'aurais gagné avec lui. Et du moins, je n'étoufferais pas de honte. » Et partout et toujours, Victor rencontrait Guillemard, et Guillemard venait rue de Châteaudun le plus possible, riant avec Geneviève et essayant encore de l'étonner et de la troubler. Ribert le retrouvait sur son chemin dans presque toute journée de sa vie. Il se rappelait, comme un atroce supplice, un retour de course avec Geneviève et André, les dernières courses, et la rencontre inévitable, le heurt continuel de sa voiture à la Victoria où Émile riait avec Raymonde. Auprès du moulin, à la sortie, dans l'avenue des Acacias, partout, Victor retrouvait, le regardant, le saluant, le réharponnant au détour d'une allée, Guillemard dans sa voiture, Guillemard qui, malgré ses rires, paraissait ce jour-là soucieux et dont le froncement de sourcils faisait dire à Victor, glacé d'angoisse, « Qu'est-ce qu'il a donc aujourd'hui, Émile ?» Ribert en frissonnait. Il lui semblait que c'était là un hasard ironique ou plutôt un remords et non pas, comme en réalité, une nécessité inévitable du retour des courses que cette sorte de steeplechase de 2 voitures se retrouvant nécessairement, fatalement, à la suite de la même file, dans les mêmes allées, les chevaux prenant le trot quand la cohue s'éclaircissait, ou marchant au pas dans cette mêlée de coupés, de calèches, de ducs, de fiacres, avec les cochers dominant la foule et les fouets zébrant cet horizon de char. Alors Victor donnait l'ordre à son cocher de couper par une allée transversale, s'enfonçait dans le bois, perdait de vue le flot des voitures et tout à coup, mécontent, se heurtait encore, près du lac, à la Victoria de Guillemard, Émile ayant eu justement la même idée. Oui, partout il le retrouvait, partout, comme un reproche. Cet homme dont il escamotait la fortune réapparaissait. Et c'était aussi pour Ribert un autre spectre de banco souriant que cette jolie petite Raymonde penchant de loin vers lui sa tête rieuse, le saluant, saluant André, et à chaque fois, quand un tour de roue les rapprochait, disant tout amusé, « Comment ? Encore vous ? Tant mieux. Hey, bonjour, cousin. Allez donc, allez plus vite, tâchez de dépasser M. Guillemard, » répétait fébrilement Ribert. « Mais, monsieur, c'est impossible. » Geneviève s'étonnait du nervosisme soudain de son mari. C'était très drôle, au contraire. Qu'est-ce qui gagnerait le prix, elle ou Émile ? Hip hip ! Mais André était toute pâle, songeuse, voyant bien que son père souffrait davantage, devinant, la pauvre fille, pourquoi cette douleur s'exacerbait, et fixant sur lui ses yeux inquiets, elle s'efforçait de les rendre plus caressants encore. Lorsque Ribert se tournait vers elle, oui, elle essayait de sourire, ne voulant pas qu'il soupçonnât rien, qu'il devinât qu'elle savait. Ah, ce retour ironique, ces heurts continuels, cette face rousse de Guillemard inévitable. Pour Victor, ça avait été une des plus atroces journées de sa vie, quelque chose comme la confrontation d'un scélérat avec sa victime. Il eut, 3 jours après, un accès de fièvre nerveuse assez étrange et qui inquiéta le docteur Leroux. Olivier vint s'informer, très anxieux. La vieille Catherine le laissa entrer au salon où, sur le canapé, était étendu Ribert, enveloppé dans sa robe de chambre, les jambes entourées de couvertures. On avait fermé les volets. Un demi-jour d'hiver glissait dans la pièce où un feu doux brûlait. André, assise auprès de son père, fit à Olivier un signe, le doigt sur les lèvres. Il s'avança très doucement. « Il n'y a qu'un instant qu'il s'est endormi, » dit-elle. Il est très souffrant, n'est-ce pas ? Demanda le jeune homme. André répondit vivement. « Non, mais non, un malaise passager. »« Vous savez, on désoblige mon père quand on lui dit qu'il n'est plus le même, comme vous le lui avez répété l'autre jour. Il n'a rien, rien qui vaille la peine qu'on s'inquiète. Il vous l'a dit, le médecin me l'a confirmé. »« Ah, » fit Olivier, « je ne suis pas médecin, moi, mais... » Il regardait Ribert avec son œil profond, empli d'une tendresse mâle. « Je crois qu'il souffre profondément. » Et vous m'étonnez quand vous dites que vous ne voyez pas en lui les signes d'un mal caché, je vous assure. Je ne vais pas vous inquiéter. Il n'y a certainement aucun danger, mais votre père est triste, malade, et vous aussi, André. Vous avez une tristesse qui me fait peine, qui me fait peur presque. » La jeune fille, très pâle, devint rouge légèrement. « Moi, quelle idée ! Je ne suis plus aussi gaie, peut-être, c'est possible. C'est que mon père semble avoir aussi perdu de sa gaieté. Cela, oui, c'est vrai. » Il a eu tort de renoncer à son travail d'habitude. Son oisiveté relative le fatigue un peu, mais il n'a rien, rien. Elle semblait défendre Ribert de cette souffrance comme il s'en fût défendu lui, s'il lui en eût parlé. La tête pâle, enfoncée dans un coussin, Victor laissait échapper de ses lèvres sèches une respiration très courte, un halètement parfois plaintif. « Il a la fièvre pourtant, » dit Olivier. « Est-ce qu'il ne parle pas ? Écoutez donc. » « Ne prenez pas garde. » fit vivement André, des mots sans suite. Le sommeil de Ribert s'apaisait un peu. Et le docteur Leroux dit qu'il n'y a rien là. Il est venu encore hier, il reviendra ce soir. Maintenant des noms, des lambeaux de phrases, indistincts comme les plaintes d'un malade, venaient à la bouche de Ribert. Puis il s'éveilla brusquement, tout entier secoué par un soubresaut et, se levant à demi, appuyé sur son coude, il regarda droit devant lui, un peu hagard, et aperçut Olivier. « Vous ?» Puis, rapidement, « J'ai donc dormi ? J'ai rêvé même. « Est-ce que j'ai parlé, André ? Qu'est-ce que j'ai dit ?»« Rien, mais rien, père. Tu ne dis jamais rien. » Il regardait toujours Olivier, l'œil effaré. « Est-ce que je ne vous ai pas écrit ? Je voulais vous écrire. Décidément, je veux travailler, beaucoup. Vous me conseillerez. Mais pourquoi étiez-vous là pendant que je dormais ? J'ai parlé, n'est-ce pas ? Voyons, qu'est-ce que je disais ? Répétez-le-moi. « Mais rien, rien, je vous assure. » Mademoiselle André vous l'a bien dit. Ah ! Fit Ribert, et ses yeux cherchaient le regard d'André. Elle, les trouvant fiévreux, se détournait un peu. Alors cette pensée venait au malheureux que peut-être sa fille savait tout, avait tout appris, ou par ce papier, ou par lui-même, dans un de ses cauchemars, et il avait honte. Gagner de l'argent, de l'argent, de l'argent, dit-il tout haut. Voyons, Olivier, vous ne me conseillez pas de m'associer à Guillemard ? Non, dit Olivier. Je vous conseille de vous calmer, de vous soigner, de l'argent. Qu'avez-vous besoin d'argent ? Vous êtes trop riche. « Trop riche, c'est vrai, » murmura-t-il. Et cette fois, on ne l'entendit pas. C'était à lui, le souffrant, qu'il parlait. Il se leva tout droit, rejetant sa couverture, et dans sa robe de chambre, il parut très maigre à Olivier. Il revenait à son idée fixe. « Mais l'affaire de Guillemard, elle réussira, c'est bien votre avis, Olivier, elle réussira. » « Probablement. » « Oh, certainement. Certainement, soit. Alors pourquoi ne voulez-vous pas que j'entre dans cette affaire-là »« Pourquoi ?» dit Olivier. « Parce que vous êtes malade et que vous vous devez à ceux qui vous aiment, Madame Ribert, Mademoiselle André, moi. » André le regardait, cet Olivier, les yeux pleins de larmes. Il parlait froidement, comme la raison, rudement, comme l'amitié. Ribert était silencieux, assis près du feu. « C'est au cœur qu'il souffre. » dit tout bas le jeune homme à André. Elle tressaillit, regardant encore Olivier. Il ne s'y trompait pas, lui.